Bazooka. Voici la première partie, tout le monde. Inès Brazing Girl. La biquille répliquant pointu. Pareil de Tigayré. Capitaine Yanouche. Le roi Salomon. Voici la deuxième partie. Cabri Mamoto, sois. Tout le monde lève la main. Hey. Lève la main. Hey. Bloqué comme ça. Calibère. Calibère. Calibère. Petit, Benanas, monsieur le ministre, ambassadeur, Sangare Sidiki Boubaka. Katouille.